moi j'suis ailleurs. J'viens de boire un flash histoire d'oublier le malheur. J'croise une miss, belle fesse beau tailleur. Elle m'a tapé dans l'œil, elle s'est trop mis en valeur. J'ai pris son hume, j'appellerai ta l'heure. Pour l'instant j'suis avec mes potes, j'regarde même pas l'heure. J'ai pas la belle caisse, j'ai pas des millions. Certains me détestent parce que j'suis mignon. M'a dit fais gaffe aux femmes, elles font des drames. Mauvaise de l'intérieur, elle te détourne avec son charme. Ma soirée est finie, y'a plus de timides. J'retourne la voir, elle s'est fait mimer. Laissez-moi dans mon monde. Et laissez-moi dans mon monde. Laissez-moi dans mon monde. Laissez-moi dans mon monde. J'perds mes mots, j'sais plus quoi faire. T'es trop belle, tu m'as rendu fou. J'vois que toi de partout, mais toi que mon G. J'perds mes mots, j'sais plus quoi faire. T'es trop belle, tu m'as rendu fou. J'vois que toi de partout, mais toi que mon G. Ignore-la. Moi j'ai des problèmes, j'suis perdu. On m'a cassé mon cœur, pourtant il avait l'air dur. J'raconte mon life à ceux que j'aime. Y'a que qui me comprennent. Elle m'avait promis le ciel, mais j'ai pas vu d'étoiles. Ils m'ont désespéré, j'ai dû mettre les voiles. Elle a pris la confiance, elle m'a trop vu gentil. Fallait peut-être que j'sois méchant, voilà ce que j'en tire. À croire que j'suis tombé dans le drug love. Moi qui croyais avoir le cœur fendu. Pourquoi elle m'a fait du mal, elle a l'esprit tordu. Toute ma vie, moi j'l'aurais attendu. J'perds mes mots, j'sais plus quoi faire, t'es trop belle, tu m'as rendu fou. J'vois que toi de partout, mais toi que mon G. Ignore-la. J'perds mes mots, j'sais plus quoi faire, t'es trop belle, tu m'as rendu fou. J'vois que toi de partout, mais toi que mon G. T'es trop belle, tu m'as rendu fou. J'vois que toi de partout, mes potes m'ont dit. Ignore-la. J'perds mes mots, j'sais plus quoi faire. T'es trop belle, tu m'as rendu fou. J'vois que toi de partout, mes potes m'ont dit.